Exercice 1, page 79. A. Œil. B. Yeux. C. Bœuf. D. Bœuf. E. E. F. F. G. Su. H. Ceux.